Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le discourant son décret numéro 1841 sur le décernement des ordres Kim Il-sung et Kim Jong-il du titre de héros du travail de la République populaire démocratique de Corée, des prix d'honneur Kim Il-sung et Kim Jong-il pour la jeunesse et d'autres titres d'honneur, ordres et médailles aux cadres, militaires et bâtisseurs, aux officiels et travailleurs des unités d'activité intéressées et aux volontaires qui ont contribué à la construction de l'avenue de Myon. Selon le décret, Lee Bang-il et trois personnes ont reçu l'ordre Kim Il-sung, Chang Il-soo et six autres, l'ordre Kim Jong-il, Kim Yong-ho et 15 autres, le titre de héros du travail, 20 personnes, le prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse, 20 autres, le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse, 28 personnes, les titres d'honneur et 43 119 personnes d'autres ordres et médailles.